J'ai regardé les infos. Elles ne sont pas drôles. Je sors en bagnole dans la rue, c'est pas drôle, avec tous ces malades. En revanche, ce qui est drôle, c'est de regarder tous ces gens, bien malades. En voilà un qui est très bolide et qui va se planter, très probablement, malade. En voilà une autre et qui n'en a rien à foutre de la route et qu'il faut à tout prix éviter, malade. Quand je pense à tous ces gens qui attendent à l'hôpital, malade. Putain, mec, si j'ai un truc à te dire, c'est que tu peux te calmer. Tu veux mourir, mais t'as pas les couilles. T'es juste bon à te les faire masser, tes couilles. T'es juste bon à supprimer une famille complète, à coups de calache ou dans ta bagnole. Ça revient au même. Finalement, j'ai peur. Tu me fais peur. Finalement, j'ai peur. Tu me fais peur. Je vais avoir un bébé et je suis contente. Je veux un bébé imparfait, comme moi. Je vais avoir un bébé et je suis contente. Je veux un bébé imparfait, comme moi. Mais j'ai besoin de me déplacer pour aller au boulot et tout le reste, parlons-en. Je restitue ma liberté de penser parce que je ne sais plus quoi penser. Après tant de suées, j'ai droit à ma bouée dans ma maison sucrée. C'est mon bébé. Après tant de suées, j'ai droit à ma bouée dans ma maison sucrée. C'est mon petit bout de chou. C'est mon petit bout de chou. C'est mon petit bout de chou. Je vais avoir un bébé et je suis contente. Je veux un bébé imparfait, comme moi. Je vais avoir un bébé et je suis contente. Je veux un bébé imparfait, comme moi. C'est mon petit bout de chou. C'est mon petit bout de chou. C'est mon petit bout de chou. Je vais avoir un bébé et je suis contente. Je veux un bébé imparfait, comme moi. Je vais avoir un bébé et je suis contente. Je veux un bébé imparfait, comme moi. Je vais avoir un bébé et je suis contente. Je veux un bébé imparfait, comme moi. Je vais avoir un bébé et je suis contente. Je veux un bébé imparfait, comme moi.